Un maître nageur, donc un peu spécial, un peu brésilien. Maître nageur, en slip toute l'année. Une vraie terreur pour tous les gosses du quartier. Tu n'as pas peur, c'est les flashs, tu sors montrer la poutre apparente. Un éducateur qui vraiment n'a pas honte. Panero, panero, panero, panero, panero, panero, panero, panero. Sacco delicio, panero, panero, panero, panero. Bacalao, panero, panero, panero, panero, panero. Maître nageur, toujours prêt à plonger, mais interdit de courir après les femmes mariées. Tu te rattrapes sur les gamines et les retraités, sur tous les riches, elles au moins elles peuvent banquer. Petit problème de gorge, mon asthme qui se me reprend. Heureusement. Non, j'ai mieux que ça, j'ai un tube de Ventoline.